En Corée, le cimetière des martyrs qui ont participé à la guerre de libération de la patrie a salué son 3e anniversaire de l'inauguration. Plus de 846 000 militaires, travailleurs de divers paliers, étudiants et enfants coréens l'ont visité pour formuler leur respect aux martyrs qui ont consacré la jeunesse et la vie dans la guerre sacrée pour le Parti du Travail de Corée, le leader, la patrie et le peuple.